indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Kwanza, tcha tcha, tobakini. O table rond, tcha tcha, baganyeo. Oni Kwanza, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Kwanza, tcha tcha, tobakini. O table rond, tcha tcha, baganyeo. Oni Kwanza. Mbote batata, mbote ba mama, mbote bilenge, balinga, masoro ya politiki, oto bengi polele polele, bipai binso, boziri bako ya kolanda biso, topesi bino mbote, pe bolandi bolamo ya masolo ya mokolomwa lelo. Lelo bandeko batali, ekolo na biso, République démocratique du Congo, ezali kokundola mibu tuku mitano na mibale, uta ezwaka bongo, bonsomi, tope lipanda na yango. Talatina Canal Congo Television, Canal Kim Television, Nandela ya Polele Polele, Toko Manyola, Toko Kundola, Toko Linga Lelo Penza, Tome Kanaino, Kobeta Lisolo, Yalipanda, ya Congo Democratique, Mbo Kanabiso, e Banda Kaboni, e Utaka Wapi, Banani Basara Kimanso, Telipanda, Epe Samela, Mbo Kanabiso, Congo Democratique, Makambo Maimanso, Makolobama, Katina Masolo, ya mokolo ya lelo. Kasi bakolo baloba, mosapi moko esokolaka elongite. Tozale na esengo ya koyamba pona bino nkumu monene ya politiki kati na Congo Democratique. Totangi wana honorable Thomas Loaka Losenjola, o tokopesa mbote na yo ndeko. Mbote mingi ndeko Flori. Honorable Thomas Loaka Losenjola boyebie azali wana mokambi pe moto azali kotambwisa na moya lelo. Lingomba linene ya politiki yoto bengi Mouvement de Libération du Congo MLC na Bokuse na ye longo toko lobe la penza lisolo ya indépendance ya Congo Démocratique mboka na biso. Mwana mboka Thomas Loaka toko tombala moko kati na maso na biso. Bandeko bazale kokundula lelo mibu tuku mitano na mibale uta Congo Démocratique mboka na biso. Ezwaki lipanda tope independence na yango tolingi tokuta to zwa makanisi penza ko te pai na yo likambo ya independence ya Congo Démocratique e bandaki penza ndenge nini tolingi toye. Merci mingi ndeko. Likambo ya independence e uchiwa pi boyebi ba mindele ba komaki officiellement awa na mboka na biso tango babandi colonisation. Date officielle les Ali, le 1er juillet 1885, nde ba proclamé État indépendant ya Congo, na capitale ya Congo ya Liboso. Mboka na biso capitale nango ezalaka Kinshasa te, mboka na biso capitale nango ya Liboso ezalaka mboko ba bengi Vivi. Tango na Vivi wana ba proclamé État indépendant du Congo, décolonisation ebanditi, tokei, na koloba bokuse esika penza makambu ebandi koningana mwa muke pona tokende sikoyo tozwa elan ya kokende na independence na biso ezali après deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale pona nini makambu eko change? Makambu eko change facteur ya liboso ba belge après bitumba oyo ba polaka oyebi belgique ezaki okipe na Allemagne après bitumba ba belge ba eko zwa mokano moko ya ko permettre ba mindele oyo bazali na ba koloni na bango ba banda ko participer na ba activité politique kuna na mboka na bango. Donc ça veut dire siko ke politique ya Belgique et koti na kati ya Congo parce que toye bakake Congo ezalaka ko konzama na gouvernement belge mais makambu ya ba parti politique wana ya Belgique e bande ko koma na Congo te tango siko balobi siko ba belge bazana o ya Congo bazana droit ya ko voter ko participer na élection nde ba parti politique e komi ko s'intéresser siko yo na makambu o ezakoleka a we pana wana ba parti politique ya ba belge ya ba belge parti politique ya ba belge e komi ko s'intéresser na Congo. Conséquence ya liboso ba élection et salami na Belgique ba oba benga ka ba libéraux na ba socialistes bato ya gauche ba gagné ba élection ba nommé ministre moko boye ministre wana ayé awa na Congo koya kotala ndenge nini tokoki ko changer enseignement na Congo parce qu'il faut boye baka éducation ezalaka monopole na Congo monopole ya église catholique. Église catholique mto azaka na droit kotangisa bana classe awa na Congo. Sikoyo bato yo ba socialiste omoni ba socialiste baza ba laïque ba lobby non kaka toki kopesa na lingomba mon côté monopole na kotangisa kabana il faut sikoyo pe l'état a créé ba école ya ye moko ezali non confessionnel etali makamba bangomba te donc il faut to créer ba école laïque. Yango na 1946 ba ye ko créer ba école laïque mais seulement pour na bana ya mindele. Oba zaka na Belgique, bana ya biso batu mwindu, toza ko continue ko kende na ba école ya catholique. Bitumbane ke ti to ko kuma na 1954. Coalition mususu e ko gagné élection na Belgique, premier ministre na bango babengi Achille Van Acker. Van Acker a ekonomé ministre na ye ya colonie babengi Auguste Buisseret. Auguste Buisseret nde siko a ye ko mi pesa na makambo ya Congo, alobi non, il faut pe ba congolais bazwa pe ba école ya bango laïque. Nde ba école officielle eye ko créame awa na kati ya Congo. Ba école officielle wana lakisike oyo batangisaka makambo ya mangomba te. Nde ba école officielle eye ko salema ba bengi yango à l'époque ba groupe scolaire. Na 1954, premier groupe scolaire salami ya awa na Leopoldville, na Luluabourg, na Stanleyville, na Elizabethville. Stanleyville yango koma kisangani, Elizabethville et koma lelo Lubumbashi. Chaque groupe scolaire ezaka na ba école primaire, na ba école technique et puis na ba école ya ba moniteur. Na 1955 ba ile suko créer ba groupe scolaire mususu et salami na Lodja, Bukavu, Coquilletville na Jadoville. Jadoville, Coquilletville ne mbandaka lelo, Jadoville yangwa ne koma likasi. Et puis ba ile ko créer ba Athénée. Athénée na eko salama na 1955 na ba école normale na 1958. Sikoyo moi problème moko eko se poser. Balobi déjà wana na ebiso tango politique ya Belgique e komi kokota awa ba congolais ba komi komona ke boke senezala na kati ya mindele. Parce que ba congolais banda kanisa ba Belgique bango nyoso baza ba ndeko. Bayokanaka problème ezala kate. Pona nini? Parce que ba Belgique nyoso ba congolais bazale convaincu que lokola balobaka français donc baza ba ndeko. Ki flama ezane ti munoko na bango ya mboka tango balinga kotonga ba congolais yango asola kana ki flama mais après ba belge ba ekode e ba congolais ba ekode découvrir que non ba belge ezamboka moko mais ba wallon bazali ba flama bazali ba catholique bazali na ba o bandima kate bazali ba ate na ba communiste donc boke sinwana ba congolais ba yeko découvrir yango wana ba découvrir yango na kanisi tango basi ba azuma kokia kotanga ba yeko na sima non na ba discussion kaka tango zola data ba information oyoki ke premier ministre ya colonie oyo asa socialiste bazana désaccord na tel gouverneur général oyo ba nako benga Léon Pétion bazos hein bazana lingomba mokote wana bozo kwangona ba information sengite otanga classe pour comprendre que batoyo bazana bomokote. Et puis ba belge musu ba komi pe koloba ke biso toza ba wallon bango baza ba flamand toza ba ndé côté do boke senwa déjà ba congolais ba komi komona ngo et komi ko fragiliser pe ba belge na lo comme susu toyeba ba belge pona oya na Congo ezalaka na ba condition pona image ya mundele ezalaka ko beba te soko za handicapé mundele handicapé ko ya Congo te parce que balingite mutu mwindo amona mundele handicapé mundele wa melaka masanga ya ivrogne ba obio kino bebe sa image ya mindele kuna mundele ya basi ya ndumba oke na Congo te parce que oke no bebe sa image ya mundele do bande benda ko sélectionner nani akokende kuna po image ya mundele za lakaka likolo toko ya komona conséquence pe ya eloko wana donc et cela mende ngona me eko se poser problème moko sikoyo bana auto créer ba groupe scolaire ba collège et salami collège zakia ba catholique ba atene ya école laïque. Mais bah non, on a su que bazo qui n'a pas classe. Ceux qui assistent aux classes bazo ont un diplôme d'état. Donc ça, on a bango nini. Il faut passer à l'université. Na université na Congo ezate. Solution zami balé. Soit, bah qui na poto, bah qui retourne na Belgique. Pour na baoyo, bah tanga na baipa bah catholique. Université bah catholique na poto bah bien y a mon ouvrage. pour na baoyo baza ya l'état ba ko ko kenena ULB sikoyo discussion banditi batu ya Louvain ba catholique ba décider ba lobi non il faut to sala ka université moko ao olé bana oyo ba ya ka otanga na poto to sala ba université catholique mo ao nde ba ko décider ko sala université à Louvain ya moké Louvain ya moké ba bengi ngo na latin Louvainium nde université à Louvainium oyo e ko salama na 1955 batupe babandi komi komisa e fungoli ba porte nango batu babandi ko kende classe siko tango batu babandi ko tanga na 1955 wana 55 te ko koma na 55 mokondi ya ba belge roi Baudouin alobi il faut na kenena nkotala kongo ngo na yoka kana masolo na zali roi nona kenda te roi Baudouin yo na 1955 Azala ki bayambaki bien azala ki succès bazo benga e bwana kitoko le bogar bwana kitoko et tout batu bayambi population c'est pela ki na mingi penda elenge azaki un jeune garçon mwana 1930 na 55 azana age nini azana 25 ans donc c'est vraiment un jeune garçon a su pouvoir pona nini wana kaka parenthèse toyeba ka pays histoire à Belgique papa na ye azala ki roi liboso na ye tangu Belgique ezala ki occupé na ba allemand pendant guerre à 40-45 a travaillé ki na ba allemand ba mona ki ni collaborateur siko tangu ba libéré Belgique ba lobi to ko salo mabete longwa ka katiki la biso pouvoir tia mwana na yo azwa yo okeno vana pembeni ya mwana le père wana a abdiqué atika li mwana e roi Baudouin a komi mokonde donc 55 roi Baudouin ya eleki malamu ba kongole ba ke komona ye ko pesa ba déoléance na bango tala biso ba problème to sana ngwa ba futa ka biso malamu te ko beta biso fimbu tala bo so mi diko kutu ba balabala malonge zate roi Baudouin yo ki bango akeyi tellement roi Baudouin sala ki succès awa na Congo na 1955 okotala ba ndeko na biso mingi ba botami oyo ka ba komba ba Baudouin mingi kombo ne pesa maki na 1955 na visite ya roi Baudouin bana mingi ba botani na 55 ba mama na bango tellement ba sepela ki na roi Baudouin ba pesa e kombo ya Baudouin azoka bandoye ebele na kombo mususu e kobima Josephine na Charlotte Josephine Charlotte yenani azala ki sœur ya roi Baudouin a accompagner ka epe awa ba oyo bana basi ba botani ba zuba kombo ba Charlotte na ba misu ba Josephine donc histoire ya kombo na Baudouin ndenge nini zo succès awa na 1956 ba l'état lobi lokola ba catholique ba sali ni université na bango Louvainium biso pe il faut to sala oya biso ko yamba bana na biso baza ko sisa ba classe na ba tene nde ba eko décider ba eko créer université officielle du Congo belge et du Rwanda Burundi idée liboso la bito ko tie université wana wapi ba la bi faut to tie mona est po ezala pembeni ya frontière comme ça ba rwandais na ba burundais ba profiter parce que za université eloko peto yebaka histoire na biso na Rwanda eko kuta na ndenge nini wana mwa parenthèse po permettre ba tupe ba yeba biso Congo tozali colonisé na ba belge na depuis 1885 ndenge na lobaki awo tokomi na première guerre mondiale avant première guerre mondiale Rwanda, Burundi, na Tanganyika. Tanganyika après ko yoko ma Tanzanie, tango Tanganyika ko sangana na ile moko ya Zanzibar, ba sali federation ba changer kombo ko mi Tanzanie. Mais à l'époque Tanganyika, Rwanda, Burundi ezali ba colonie ya ba Allemand. Ba Allemand mutu ba ko coloniser Rwanda na Burundi na Tanganyika. Eko changer ndenge nini? Eko changer na bitumba 1914-18. Ba Allemand ba poli bitumba. Ba o ba gagné. Bazui ba botoli ba Allemand ba colonie na bango. Ba bi lokola bino bo poli boye, bozali susu na droit ko za na colonie te, ba botoli Rwanda Burundi. Ba pesi yango ba Belge. Ba lobi ba Belge boko sala tutelle na mboka mi bale wana et ba Anglais. Ba Anglais bino bozui Tanzanie. Nde boko onza. Voilà ndenge nini histoire na biso na ba Rwanda na ba Burundi to eko kuta na parti ya 1918. Ba kuta ne wale stambi penza ba bandakala. Tangu wana balma ba perde bitumande Rwanda ba yeko sangisa ngosiko ekomi Congo Belge Rwanda Burundi me tozaki na statut mokote siko balobi foto sala université oyo ba étudiant ba élève baza ko sisa na bamboko wana ba koya kotanga balingi batiango na Bukavu balobi te to tiango na Bukavu te ba yeko décider université wana ifo batiango na Lubumbashi nde ba yeko créer université officielle du Congo Belge et du Rwanda Burundi yango monaki oyoka kamingi ke ba Rwanda na ba Burundi mingi banda ko tanga na Lubumbashi esprit ya départ ezala ki pona université na pona mboka na misato donc nakangi parenthèse wana donc tango sikoyo ba université za ko salama mais ba congolais mususu déjà ba si ba ke na poto kobanda kotanga kuna parce que a se débrouiller ndenge na ake kotanga na poto wana na poto toke ko se retrouver na Belgique na 1956 na université à Louvain na université à Louvain to retrouver nani moto ali boso Thomas Kanza c'est le premier licencié congolais en psychopédagogie Thomas Kanza ndé universitaire ya liboso ya Congo au Tozali na Louvain na Louvain na Belgique et université ba catholique et puis tu es Paul Mouchette tu es Mario Cardozo Mario Cardozo lelo yo babengi na kombo ya Losembe azali deuxième vice-président ya Sénat ya deuxième vice-président aza ko travailler na président Kengo Adondo donc azali ba jeune yo bilenge ba kende ko tanga déjà na 56 na poto na ba Thomas Kanza azali ki mwa promotion liboso na bango pwa sisa ki liboso na bango te ko mona lisusu nani Jonas Mukamba paza na Louvain wana et puis Albert Mpase Evariste Loliki Albert Bolela na Charles Bokonga, Joseph Mbeka, na mutu ya Suka, ba groupe ba Congolais, Marcel Liao. Nde ba bilenge ya Congo baza kotanga na Louvain na 1956. Toke na université mususu ya Belgique ba bengi yango ULB, Université Libre de Bruxelles. Wana tozali na Justin Bomboko, André Mandi na Claude Mafema, oya komaki Mafema Ngazenge. Donc wana ba étudiant baza kotanga na ULB. Mais na Kinshasa ndenge na lobaki ba premier licencié congolais awa sikona Kinshasa wana tomoni ya Belgique tozana Chibango André Kisuka Gustave ya sisi na 1960 Chibango André ya sisi na 1958 Madrandel Prosper comme Madrandel Tanzi ye asisa ki licence na yazo ki na 1960 na Kinshasa et Kapa Di Fernand Takizala Henri wana Ndele Albert nde ba promotion ya ba étudiant ya liboso ya Congo na kati ya Lovanium et puis Pierre Lebug na Etienne Tshisekedi wa mulumba tokoi kozongela ye après parce que Tshisekedi wa mulumba azali c'est le premier juriste congolais oyo asili se classe wana Lovanium o ba belge ba formé azu diplôme na ye na 1962 donc wana un peu histoire ya ba université na biso donc moni déjà ba tu ya mayele bakomiko formé ba tamayele ba mindele o ba réfléchir ça bakomiko mituna ba question toko sala nini dans 5 ans wana tozana 56 tango bana oyo boza kokotsa na ba université ba kosilisa toko sala na bango nini donc il faut réfléchir il faut tozana plan na mutu nde papa moko professeur à université aiko koma livre professeur ngo zalaki congolo bien belge azalaki belge ba bengi Van Bilsen aiko sala proposer plan ya 30 ans alobi voilà ngana proposer Congo oyo il faut préparer ba mon indépendance donc il faut tout ça la nyonso au bout ya 30 ans donc ezala ki prévu na 1985 tous indépendance na 85 tout préparer ba ngon ndenge nini ba ko s'organiser tout former élite o ba ko konza mboka oyo pour na 30 ans ba koka ko konza mboka na bango na ndenga bien biso to zonga sima to pesa ba ngon indépendance wana nde déclaration ya liboso et salami pour na concerne ko préparer indépendance ba bengi yango le plan d'état 30 ans ya Van Bilsen na 1956 wana ezala ki na mois de janvier 56 et puis na aza ko proposer ni na kati ya plan ngo confédération il faut tout ça la Congo ezala fédération chaque province ekozala état et ça li fédération moko et puis fédération na Congo na Belgique ba ko sala confédération to ko sala mboka moko to tandenge nini to ko continuer ko collaborer mais il faut ko émancipation et salama, couper sa bataille indépendance graduellement par province. Au moment on a idée au Yoban de connaître ce Yabako Bakoya pour récupérer Yango, mais indépendance et autonomie on a partielle et qu'aux Abisso à peu près 30 ans. Wana Van Bilsen a publié document naïe. Et puis, tant que Van Bilsen a publié document naïe, réaction est qu'au Tawapi. En 1951, Abbé Moko Azalaki Awana Christ Roi, Azalaki vicaire ya paroisse. Abbé Wana Monika ka Congolais, hein, na Bolingo ya Bandeko na ye, lokola ya Tanga, asala ba grand séminaire. Abandi ko zwa bilenge, ba jeune, apesa ka bango ba cours du soir. Apesa ka bango ba cours du soir, yani naza ko tanga sa philosophie, logique, sociologie, psychologie, moi ba cours ya mike, ako pesa bango na butu. Ti eloko wana ba étude e ba to ba ka kozwa ba cours d'histoire ona e ko koma association ba bingi ngoni ni conscience africaine banani to e ko kuta na kati ya association wana Nakati association tu ekomona nani mutu ya liboso Joseph Ileo parmi ba étudiants. Joseph Ileo, Albert Nkuli. Albert Nkuli yena ni Albert Nkuli ndeta tata ya Nise Nkuli oyo uboka kabayimba kana banzembu azape au cadre MLC tata na ye Albert Nkuli azalaki parmi groupe ya bato ba ndeko kene ko landa ba cours d'histoire wana et pa ya bewana tozana Dominique Zangambie, Antoine Ngwenza, Victor Njoli na Joseph Ngalula abeo ya bandeko pesa bango ba cours d'histoire wana kombo na ye Joseph Malula oya kokoko kokoma sima cardinal Malula donc voilà ba mukolo mutu aza kokonza ku encadrer ba bilenge wana siko na 56 tango ba yoki ke Van Bilsen asali plan na ye a 30 ans bango pe bazaki na journal na bango mokeza bimensuel ko bima numero mibale par mois ba epe kokota ko réfléchir ba ekosala pe déclaration na bango numéro spécial ya journal na bango titre nango kaka manifeste na histoire etikala na kombo ya manifeste conscience africaine parce que conscience africaine titre ya journal na titre ya document basala ki manifeste nde epesa kombo ya manifeste wana siko bana oba bandaye kozoma yele pa ya wale ya bema ya sango malula sango malula na malula yemoko na ba jeune wana ba iko koma document c'est la première déclaration politique ya ba congolais depuis Congo ezali déclaration politique ya liboso nde déclaration wana manifeste ya conscience africaine balobi nini balobi biso toza d'accord na makambo yo Van Bilsen na lobi ko préparer indépendance na biso mais basengi il faut bo associer biso ba congolais pour na to préparer plan wana ensemble pour na indépendance na biso basengi ba élection parce que jusque là élection za la katé na Congo ba nomaka kaka bato ba singi ba election siko ifo ezala toti kama kamba nomination na population siko ifo banda kopona ba mikonti na ye ba singi pe salaire ya batu ifo mata parce que salaire za ki na se mingi et puis ba iko sala deux appels na suka ya manifeste na bango moko adressé na ba européen ba mindele ba lobi ata to ju indépendance mundele nyonso oyo akolinga ko ma congolais akokoma na ye congolais parce que biso tozali ouvert et puis deuxième déclaration appel ba singi na ba congolais ba lobi lokola au lieu tozwa to imiter ba mindele to sala ba parti ebele na niveau na biso tozali na ngoto zana besoin ba parti ebele te multipartisme wana il faut to créer mouvement moko ba mouvement national populaire oyo ba congolais nyonso ozala catholique ozala protestant ozala ekolo nini ozala kanini biso nyonso tozala ensemble pona kobunda pona indépendance donc wana appel ya déclaration à manifeste conscience africaine limbisana no ndeko to maluaka siko ba ndeko bazwaki dikanisi ya kosala manifeste wana na kati ya mboka bazalaki na ba fonction mususu bia bazalaki kaka bana mboka oyo ba bazuma mayele pe ba bimisi yango na misi ya ba. Bazaki na ba fonction te bazaki ba oya salaka na société boye donc bazaki na ba position politique te donc c'est vraiment des jeunes oyo bakutanaka bazako réfléchir ensemble na kati ya cercle de réflexion na ba cercle de réflexion yango na basalaki déclaration wana na kweko même kotanga mwa passage moko ya manifeste yango po tala makambo bakomaki balobi boye il faut que les Belges comprennent que leur domination sur le Congo ne sera pas éternelle. Il faut ba Belge ba yebake coloniser ba ko dominer biso et ko sala ya seko seko te et ko sila mokolo moko. Donc on a déjà sali choc pour na ba congolais à l'époque congolais liboso ameka ko lobela ba Belge vérité en face. Donc eloko wana esali succès ba publia kango 10 000 exemplaires manifeste wana ekwe na Lubumbashi Lubumbashi ba imprimer mususu. Donc esali penda impact. Après wana ba oba bengi e ba episcopo équipe episcopa ya Congo ba episcopo tango wana bazalaka ba mindele hein bango nyonso bazali ba mindele mais kamwisi bato le 29 juin 1956 na rappelé nano déclaration ya conscience africaine et salami au manifeste wana et salami le 30 juin 1956 mais le 29 juin donc la veille nango et landani penza ba episcopo ya Congo Congo Belge Rwanda Burundi bazaki 37 ba kutani lokola ka ba déclaration na biso esala makwa ya 5 ya tangwana bango pe ba sangwa mindele ba koti réunion ba ko sala pe déclaration na bango déclaration nango elobi nini abi ba bitanyo so ya mboka bazana ba droit ndenge moko baape na droit ya ko participer na gestion ya mboka na bango. Donc déjà ba catholique ba lakisi direction ke bango pe ba komi pour indépendance, pour autonomie. Donc et sali ba to pe et surprendre ba to. Na Belgique ba politicien ba lobby église catholique et trahir biso. Parce que ti lelo to bande ko konza mboka na bango, bango siko ba sentir ke makambo komi ko changer. Ba lâché biso donc ba catholique ba sala la déclaration wana na 1956 pour na ko senga pe ke bo pesa ba autochtone hein, plus de droits ba congolais ba condamné pe makambi ya racisme ba lobi fototi kanzamba ke la biso biso nyoso tozana image de Dieu donc langage ba catholique est changé ba la moko na 56 wana ba komi en faveur ya ba droit ya ba congolais emat et puis ba catholique ba tikali kaka na ba théorité ba lobi biso il faut to le kana ba acte na mois de novembre 1956, ba ekonomé évêque ya Liboso ya Mutu Mwindu ya Congolais, ba bengi ye Pierre Kimbondo, oyo kaka place a veni Kimbondo na Bandala. Kimbondo, Monseigneur Kimbondo, nde évêque ya Liboso ya Mutu Mwindu, oyo baponye na église catholique. Et souki wanate, ba yepe lisusu na mwa juillet 1959, kopona évêque ya Mibale, ba bengi ye Congolo, yepe akomi évêque, et puis ya Misatu, na septembre 1959 ba ekonomé pe Joseph Malula a komi pe évêque ya église catholique na kati ya Congo. Donc moni déjà ba catholique ba komi ko promouvoir ba to mwindu ba komi ko za ba poste minene et sika o ba politicien ba zana on a retard. Et puis déclaration ya mine na 56 kak o il suko changer makambo. Groupe association moko bo ezala ki créé na 1952 na kanisi. Alliance de Bakongo. A Bako, moutou a créé un groupe comme Nzezalandu. Nzezalandu a créé association en aïe, ya ba ne Congo, le babenga ne Congo. Ti, na 54, moutou a eko zwanga comme président du comité central nango, Joseph Kasavubu. Kasavubu a comme président loko ana. Et puis na 56, tangu manifeste ya conscience africaine ebimi. Abako le bibi sope to kuvanda boite parce que yoy bakape moi concurrence ezala ki wana Kinshasa. Kinshasa abako la majorité a population ezala ki na Kinshasa ezaka ba Congo. Abako walobi ndenge nini biso ba kolomboka. Tokoyi kozonga sima boye leadership ya independence. Bakomi koyi ba biso ngo na bapaya, bapaya entre guillemets, bapaya ngo nani, balobi baluba na bangala. Na tete ya baluba na bangala ngo koroza na batoko la banani. Non, baluba na bangala conscience africaine. Abako lobi ezali association ya baluba na bangala parce que moni ona Joseph Malula azali, ilewa azali kuna voilà. Donc, et ça n'est moi concurrence. Abako lobi biso fait il faut réagir par rapport à manifeste à conscience africaine. Bakoti pe, babengi si pe, nani na bango, Assemblée Générale, na le 16 juillet 1956, bae ko proclame ko sa la proclamation na bango, manifeste si koyo ya bako, na histoire babenga kango le contre-manifeste, c'est comme ça mi contre, oyo ya conscience africaine. Bae ko sa la proclamation ngo le 23 août 1956. Et l'obinine, quelques points de divergence na oyo ya conscience africaine. A bako e loko a loboso lobi, balobi biso, toza pour le multipartisme. Problème ezate o ali ko créer parti na ye makaba ko poser ba tout parti moko ezate biso ba parti ate ye belé problème ezate s'il faut même to copier ba parti à Belgique et ya awa toza d'accord nango. Deuxièmement, na ebisa ki bino conscience africaine o ya ba ngalula. Ba zale ki d'accord na plan 30 ans. Ba senga ki ndeba za la associer na élaboration à plan go. Abako elobi makambo ane ezate. Boko ne sali sabiso plan 30 ans pona nini. Biso to lingi indépendance sikoyo. Makambo lisusu ko omela ba plan 30 ans to lingi angote biso to lingi indépendance sikoyo parce que ngonge beti. Et puis troisième élément abako eko se prononcer pona fédéralisme. Ba lobi biso to lingi fédéralisme Congo ezamboka munene to ko sala chaque province et ko sala état na ba loi nango na mikonzi nango et puis to eko sangana neti États-Unis d'Amérique to sala fédération. Donc voilà un peu ba idée c'est quoi yo ezalaki na kati ya manifeste contre manifeste ya bako nde omoni sikoyo moto wana ya nikopela pona komema batu vers la les indépendances to komi na 1957 57 ba mindelo alobi il faut quand même tout ça la quelque chose tension bandi komata makambo changer ba ekozwa décret ya 26 mars na 10 mai 1957 ko organiser sikoyo o babenga administration territoriale baiko salanini baiko créer ba institution urbaine chaque commune balobi chaque commune est comme un conseil municipal d'ango chaque commune est un conseil municipal wana ezali dirigé par un bourgmestre et puis na chaque ville bakozana na conseil urbain si ko conseil municipal ngweza kindengene babito ko organiser ba élection to ko organiser ba élection oyo baza ba élu ba comme membre à conseil municipal mais si ko ba membre à conseil municipal ba ko proposer et pas à gouverneur à province to gouverneur à ville combo ya bourgmestre ko bourgmestre zaka élu te zaka nommé et pas à nini donc voilà un peu système et salami au moins si ko que système on a mais ba belge ba ko créer en ville à Kinshasa ba commune commune ezala ki catégorie misato awana ville à Kinshasa catégorie moko ba bengi ba commune indigène oyo eza réservé na bato mwindu kaka commune ami balé ba bengi yango commune blanche oyo bato azana droit ko vendre kuna ka ko vendre ka mindele et puis na ba commune mixte na Kinshasa tozala ka na 8 communes indigènes ba 8 communes indigènes ngwe ezala ki Kitambo Saint-Jean Saint-Jean lelo koma Lingwala commune à Kinshasa Barumbu, Dendal, Dendal est comme le loka Savubu, Kalamu, na Ngiringiri, na Bandalungwa. Wana ba commune indigène. Commune blanche, ezalaka kaka moko, babengi yango Kalina. Oyo le loka Gombe. Kalina pe wana Kalina, kombo wane uti wapi. Kalina, na époque ya Léopold II, azalaka na ba fonctionnaire na yaba neko rekrite na Europe Mbimba. Papa moko ayaka wautaka Hongrie, c'était un Hongrois. Azalaka fonctionnaire na administration coloniale akene ko kufa na Kinsuka kote moni bashita Kinsuka na simamonga lemana papa na kufa na kombo na ezalaka Kalina siko en souvenir ya fonctionnaire wana nde bazoka commune oyo bapesi yango kombo ya Kalina en souvenir ya fonctionnaire hongrois wana nde kombo ya commune ezoka Kalina lelo to bongo lango ekoma commune ya Gombe donc Kalina ndeza laki kaka ya Mindele, et puis deux communes mixtes. Mixte laki, esika ba Mindele, ba tumwindu bako yeko vanda, ezale commune Mibale, ezale commune ya Ngaliema, na commune Limete. Et puis, balobi siko toko sala ndenge nini, pona ko organize ba election. Parce que toye bakake, wana na 57, ba activite ya ba parti politique. Eza ya ba boyango. Parti politique ezaki na droit ya kozate na Congo. Batu baza regroupé na ba association na kobenga association culturelle en réalité c'était des associations à caractère tribal puisque batu ba koiko sangana te na konta ba parti politique batu baza ko sangana ndenga mono kwa mboka donc te ko mona ba association e bota mingi awana Kinshasa na kopesa quelques exemples pour toye bayango tozali na association ya batu ya Kwango Kwilu babengi yango Fédékwaléo Fédékwaléo lexinini fédération congolaise à Léopoldville ezala ki dirigé na papa moko azaka animateur munene ya radio awa na radio ya Congo belge kombo na Gaston Mido Gaston Mido yenani Gaston Mido azali papa leki ya elenge moko bayemba kaminga za pe cadre ya MLC représentant MLC na Londres chancelier Mido Chancelier Mido Tatalek Naende, azalaka président de la Fédération Congolaise, na grand frère Naïm Sousa Zalia, docteur Mido, na salué camarade Nangai. Wana na 1956, Gaston Mido Mutazo dirige, wana ba originaire ya Bandundu. Fédération Moussous Zalaki Barobengango Fédékaléo. Fédékaléo Yangonini, Fédération Kasaïenne à Léopoldville, Yabatu à Kasaï. Ezaki dirige na Paul Kabaidi, na Joseph Ngalula. Oza kotuna eske batongo bazaka na misala mususu te. Donc azoya na ba réunion na butu cours d'histoire azaka pe président association moko ya fait quelque part. Quelque part. Et puis fédération mususu na ko pesa babengi yango fait débatter. Fait débatter yango nini? Fédération de batetela. Fédération ba batetela batu bazaka wela bokonzi na kati leadership na kati pa batetela ezaka Patrice Emery Lumumba wana tozana 57 Patrice Emery Lumumba na Arma Genda. Arma Genda ena ni papa ya Rafael Genda o batu bayaka na Afdel. Tata na ye awana Kinshasa bandeko wela bokonzi na Lumumba pona kokonza fe debate. Fédération ya batetela. Donc wande ba association et salami ndeko tomalo baka na kanisi ba bandeko bazela kulanda biso penza mokola lelo bazui penza esengo na kanisi ezali malaki soto ko kufutira ngo ata misoro pona koyekola yango kasi libaku malamu pende pesa mbele biso tozo yango ya oferi me tozo na etandeke to tamba kande si manatango awa penza okoti na muzindo ndenge makambo ezalaki te to ya kokoma na 1957 mais to potana lombango pamba te lelo ezande le 30 juin ebandaki kasi boni sima ya makambo oyo nyonso po tokoma na lipanda oyo lelo tozali kosepela yango. Merci mingi ndeko sikona ndenga bokuse tupona towe langonga na kopesa kaka ba grande ligne. Ba grande ligne na 57 wana donc balobi sikoyo il faut ko organiser ba élection. Ba élection condition na ngweza linini. Il faut za la ozana 25 ans et puis mwana mobali bana basi bandeko votete. Donc élection li bosoa Congo za ki réservé kaka na mibali et puis âge ya 25 ans. Biso lele koma 18 ans et puis basi na mibali. Balobi il faut tous la moins expérience. Il y a ba élection na toko kené nango mbala moko boété na mboka mobimba. Ba bandi yango na quelques coins et na 1900 décembre 1957 ba organiser ba élection à on Léopoldville, na Elisabethville dans na Lubumbashi, na Likasi, na et puis na 58 ba sali yango na Mbandaka, na Stanleyvi Kisangani, Bukavu, na Lulwabour et puis les sous na 58 wana ba ekozonga la commune mibale ya Kinshasa et Matete na Njili ba élection eko salama na 58. Donc, tango yeko salama, ba yeko mona ba résultat, nde wana sikoyo, Kasavubu, Abimi, Bourgoumestre, Abako azui sikse mingi nakata Kinshasa wa, Kasavubu, Abimi, Bourgoumestre, Dendal, na Saint-Jean, nani, papa moko yeko bima, ba mambre ya Abako, kombo na ye, Pierre Cano, Pierre Cano azali, papa ya William Cano, oya azali leloyo, député provincial ya MLC, nde azalaka Bourgoumestre, liboso ya Lingwala. Et donc voilà un peu comment Abako azui atie batonaye sikanyoso. Siko pona kowela ngonga tokomi siko makambo eko s'accélérer ndenge nini. Makambo eko s'accélérer na 1958, le 24 août 1958. Charles de Gaulle, président de France, ayen na Brazzaville eko sala discours. Discours na lobi nini. Ba oyo nyonso balingi ko banaza koyoka bato bako senga indépendance indépendance. Boye bakayango ke oyo nyonso akolinga kozwa indépendance to kopesa indépendance na ye. Donc idée déjà indépendance de Gaulle alobi yango kuna polele na Brazzaville awa apesi koyo comme Brazzaville na Kinshasa ezalai presque mboka moko mutu moko kutu kongole moko alobaki nini puisque Brazzaville na Kinshasa tozalaka koloniser mbula moko webi tango Stanley aye aye kosolola na kokongalema awa Savornia de Braza akati mai akiko solona roi makoko na ngambo makoko na ngalie mabazalaka ba cousin oya zokonza awa wana zokonza kuna donc et sala maka presque période moko congolais moko lobi puisque ba mindele ba ka kolonga biso période moko indépendance pe faut to zongo période moko donc wana elema liboso eko senga indépendance eko pousser vers l'indépendance et puis toke lisusu na babengi yango exposition universelle. Exposition universelle ezani ti foire. Et salami na Bruxelles na 1958. Pour la première fois ba Belge ba bengi ba Congolais ebele. Po ba kende kolakisa ba ndeko na bango ba Belge ndenge nini musala colonisation za ko salama. Tala bato ndenge to komisi bango ba komi ba civilisé ba évolué. Donc ils ont amené beaucoup de monde, il y avait à peu près 700 personnes. 700 personnes baké kuna basali 7 mois na poto. Ba Congolais de sikoyo tangu baké ko mona poto. Mingi pour la première fois. Baké ko découvrir sikoyo mindele yango ke biso to mona ka bango danger. Nzoka bazala ka pe danger te bazaka lokola biso. Parce que ba Congolais baké ko découvrir nini. Baké ko découvrir ba Belge miyibi. Kanga muyibie mundele benza zoki mayibie loko. Ok, awa mundele muyibi. Basika wa mwonde. Donc, baki ko dekouvri, ba mindele miyibi, baki ko dekouvri, ba mindele ba clochard, o ba lalaka na balabala, ba ne sika ko lala te, baki ko dekouvri, ba si andumba. Donc, mundele benza madame, owe ni na kolonizasyon, mwa si mundele ba benga ke madame, donc respect ya mingi. Donc, ba kongole ba ke benza ko dekouvri ke non, ozape na bezwa mwa si mundele, ope si mbongo boke na ye. Donc elongoli magie wana to banako tepa ba mindele pendant 7 mois na bavandi kuna donc ba découvrir yango wana pe eko sala moi influence et puis na 58 wana ba ke bamboka mususu pe e komi ko so moi ba indépendance eloko nini ni soko yako leka wana sikoyo na 58 na Belgique kuna dans l'exposition universelle et salami ndengwana Lumumba sikoyo na Kwame Nkrumah na Accra ba organiser congrès ya ba peuple noir ba bengisi pe ba leader ya Congo ba leader Afrique mobimba mais ba bengisi pe ba congolais. Ba congolais bazala ki invité na retenir ka kombale ezala ki Kasavubu na ba délégué na ye na Lumumba. Mais sikoyo batu er moko ba bosa na ka histoire ya mboka oyo. Na époque coloniale avant indépendance ba mindele ba bande ko banga plus Kasavubu ke Lumumba. Na ndenge nini pamba te ba yebike to yebane awa ke Lumumba te mutazala ki mutu ya ko bangise mindele mingi yo. Non ndeko to landa ka histoire. Pona nini? Na uti kola kisabino ke manifeste ya Bako na 1956 oweza kosenga indépendance immédiate. Na 1956 Lumumba komi livre Le Congo terre d'avenir hein, quelque chose comme ça o Lumumba za kosenga nini na kati ya livre naye akosenga indépendance te. Lumumba akosenga ba condition ba évoluer c'est-à-dire ba congolais ba tanga eko kanana mindele hein baza na droit okota na babar baza na salaire moko sobo salam salam moko fo bafuta binondenge moko. Il était pour la promotion, la non-discrimination, mais à l'époque, Kasavubu azosenga déjà na bako ba kosenga déjà indépendance. Donc, tant que ba moni invitation na ye, ba mindelo a lobby, Kasavubu, soki ake kokuta na lisusu, na ba Kwame Nkrumah wana, ba sekuture, ba kobebisa ye bongo, ba bloke Kasavubu na aéroport pour na makabo a vaccin, ba lobby aza na carte ya vaccination te. Lumumba zui, aleki. Lumumba kei. Lumumba tango ake kuna na conférence wana ake ko sola siko bato ba okoma ba grand leader ya Afrique ba Jomo Kenyatta, Kenneth Kaunda Kwame Nkrumah na oyo Holden Roberto Holden ya Angola ba ke ko ebisa ye me yo za bolole yo za ko senga ba mindele ba peso droit o bando kende ko lala na Gombe na Kalina ubando kota na banganda na bango bango bazokota ba restaurant na bango pe bafuta ko salaire ndenge moko na bango mais non bazaba locataire yoza mwana mukolo lupango benga na bango bakende Lumumba ba lubaka ngai ko sala un saut qualitatif na Accra nde Lumumba tango ye ko zonga Lumumba méchant ko sakanate azongi na Kinshasa wana ba créer siko parti politique na bango au moins une conscience africaine e banda ko to créer mouvement moko national populaire nde groupe ya bato bazaki na exposition universelle ba eko zonga na ba Lumumba ba sali siko yo MNC mouvement national congolais ba tie Lumumba président Lumumba siko yo tango auti na Accra a lobby il faut ba vérité ngana auti ko yoka kuna na ebisango population. Dès le 28 décembre 1958, à Lobi, na sala meeting na place communale ya Kasavu na Imka. Ba bengi si batu ba elibele, boya koyoka message Lumumba uti nango na Accra. Batu ndiona nde Lumumba sikoyo ayeko changele ba mindele face. Indépendance immédiate makamba kozela lisu ya te. To lembi bino bo kende pa na bino. To zana besoin sko indépendance. Population est sepeli. Message est tamboli Kinshasa mobimba. Et ke na intérieur donc succès en denge wana. Wana to za le 28 décembre 1958. Sangwana sikoyo, batupe ya bako, ba memi sangwe pa ya mokonzi na bango, banda ko benga eru wa kasa, Kasavubu. Bake yo misa Kasavubu, wana Kasavubu nani? Burgumestre ya denda. Ba bi président. Biso vandia wame bangala wana ba uti kusala sikse ya kusakana te na imka Lumumba wana donk mwaete tala nenge batuwae. Koma biso bakolo kini toko miko zonga sima. Kasavu alobibo bon, biso pe toko prouve bango. Bango basali dimanche ou le 28. Bwe bisa bazi na biso. Dimanche prochain, ngape wana kaka. Dimanche prochain siko we landi le 28 décembre, c'est le 4 janvier 1959. Alobi bopenga batu. Tokuta na pe wana biso pe toko prouver bango toko pesa pe message na biso d'ailleurs boko mela premier bourgmestre mukonzi ya ville mais comme on a monsieur Tordeur bosenga autorisation pour na meeting akomi mukanda mobilisation pe bandi mobilisation bandi la veille le toit sikoyo le toit monsieur Tordeur a eko répondre à Bako alobi na boy et lo wana ko sala matin e ko sala matin na ko pesa bino autorisation te. abako siko bazana problème o monita ngwana to zangi ba téléphone portable et téléko la lelo na ba radio surtout que metinye kozala lobi le 4 et le 3 les 3 baboy ndenge nini ko informer siko base que eloko eza annulé et puis c'est bango mo équation le 4 janvier na tongo tongo déjà batu babandi koya babandi ko tonda wana na kasabu na na imkawa batu babandi ko tonda babandi ko batu ba yebele bake ko ebisa kasabu président base kuna se tondi bazoze la meeting abino me boy bisa bango ke za annulé ba mikonzi ba mboka balingite to annulé ango de toute façon to zoze la roi ba belge lobby akoloba le 13 biso zoze la déclaration et comme ça biso to ko réagir après boke ne ko ebisa bango babi président zoze bisa bango balingi ko panzana te kasawa bi ok ngamo na zoya kasabu buye mo kwa yoana a matin la tribune a expliqué bana bande ko tala tozana contrainte boye ba mindele ba boyi problème exacte bozonga na bandaku to ko benga bino après ce qui roi ba belge lobby biso pe tsiko to ko sala déclaration après ba to zoni ngana te kasabu ba lobaki na français alobi bo peut-être ba comprendre ngaite alobi siko na kikongo a expliqué bana na kikongo et tout et tout ba to bazopanza na kakate na fungola mwa parenthèse moko ti na 1900 depuis Congo est salama ti na Kinshasa est comme capitale ya Congo na 1925 ndé Kinshasa est comme capitale donc depuis 1925 ti na ba 1946-47 Kinshasa wa langue o bande koloba langue ya mikolonyo c'est la Kikongo Kikongo ndé bande koloba ma lingala na ko expliquer ndenge ni lingala yo kota preuve to za na ngo lelo yo soko zo le ka kota ba rai nzela rai okomona ba panneau moko batiaka ba commande langue mibale passage interdit nzilantsiko donc parce que c'est les deux langues qui se parlent français na kikongo lingala yebana kate yango omona teke ba panneau na baraye communiquer message batia na na lingala lingala yoko koma pona nini comme ça na permet na kukanga parenthèse ngo rapidement tangu deuxième guerre mondiale sili lingala ezala ki langue officielle ya armée ya ya force publique ba soda ba uti deuxième guerre mondiale ya force publique bazongi na Kinshasa awa baye comme ba hero ba uti ku gagner ba allemand ba beta ki ba allemand na na na bitumba wana na Ethiopie hein ba misu ba uti Birmanie et tout et tout donc bazongi neti ba bato makasi ba ko ben ba ko ben ngomba ba bill ba yanke a l'époque on appelait ça ba bill indubile hein indubile de monoko ya ba yanke nde lingala sikoyo e comique pose la neti branché genoisa branché ezawo ya lobaka lingala soko lobaki kongo bimimbo katie donc yangone sikoyo ba jeune nyonso ba komi ko copier ba soda parce que langue officielle armée za ki lingala ba jeune ba komi ko copier koye ko la lingala koye ko langa ti lingala e ko domi imposer nde e ko s'imposer lingala sikoyo komi Kinshasa mo balo ba lingala na koye ko pesa témoignage personnel biso tokoti na badiadingi kamba diadingi na 1976 na face ya kan wana village moko bazaki na bako benga badiading village je vous dis na badiading na 1976 bana na toko beta bon bale wana bazulo bana kikongo baye ba lingala te na badiading kaka sima ipena donc voilà au mona ngene ni lingala e panzani male malembe po e coloniser partout donc na kangi parenthèse wana donc ça vous wa pesi message na kikongo batu basa ko panzana te ba ebisi ba collaborateur c'est non président tokende e makambo ko ko beba ba holbo sala ki président kasabubu azu ake atiki batwana batu siko ba komi ko yima yima ils sont mécontents ba mindele ba exagéré en tout cas trop c'est trop trop c'est trop parce que ba bazala ki na posa ba yoka quand même exactement message ya kasabubu ba yoka ki lumumba dimanche passé dimanche siko tour ya kasabubu aloba bo pekisi siko quel est le problème makambo eko beba siko ndenge nini en même temps tant bango ba vendu wana ba ko yima yima match euti ko sila na 20 mai stade Tata Raphaël équipe moko e poli balo bakafita batu na bango siko na kanda wana ya échec ba yona ba yukuta batu bazotema di problème ni nao abino biso ya ki meeting ba mindele ba ah, ba mindele ngo ba exagérer trop c'est trop allez makambo yindi wana babandi ko tumba mituka piège bandi na fokobelo wana ba magasin ba portugais et tout et tout piège donc mo boulo ekoti na Kinshasa la police yé bandi ko beta ma masasi bantu baza ko banga te ba belge bazala ki obligé ba benga ba para commando belge pendant 4 jours mo boulo makasa na kati ya Kinshasa c'est à dire que alors que ceux qui batwana ba yo ki la ki président Kasavu parce que bazonga na bango ki meeting ezala tetango mususu mobule ngai ezala te mais en réalité comme on a moins décalage ezala ki entre ba leader na base population elembaki bazaki basi ba lembi bo umbwana ya colonisation donc c'est la population bango moko spontanément nde ba tomboki ba lobi trop c'est trop ba mindele ba exagéré nde oyo kaka martyr de l'indépendance il y a 4 janvier 1959 très bien honorable na kanisi na moni wana ngonga na biso eko kende ulimboli penza na kanisi tolandi penza na bokebi ebanda ka boni makambu ya ba martyr ya le 4 janvier et ça la ma kati na mboka na biso mais le 30 juin kasi date wana le 30 juin et pona makindengeni bon si ko tang mobulu ane bimi ba belge walobi ok lokola ekomi siko makambu ya mobulu boye mami tukwe komi kozika batu ba komi kokufa ba kongoleso ba lingili solo toko solana bango baiko convoqué table ronde na Bruxelles et ko salama na mois janvier février 1960 ba le ba congolais boya to solo là c'est quoi les problèmes ba bengi siko ba leader ba grand parti politique ya société civile ba ke na table ronde wana siko na table ronde wana et ba bandi problème ya liboso likambu ya date indépendance abibi soto ya to ema kama soute to ema kama indépendance oui ma comme indépendance date nini avant kutu et balobi photo sur comme indépendance et date ba bandi wana ba congolais balobi non lokola to liboso ba mindele to ba parti ebele ba association ebele ce qui biso nous tous en avoir mon côté ba mindele ba dominer biso to ça la front commun biso nyon soto se concerta avant kutu na mindele premier ça ka geste moko malam ba congolais ba ça qui deux beaux gestes na na na ko ba deuxième geste. Premier geste, solidarité. Tous à l'ensemble na bomoko. Tous le bakali kamu moko li bosoa mindele tokoza la makasi. Ceux qui tosa divisé tokoza la faible. Donc, ba congolais balobi non, il faut toyo kanato sa la front commun. Front commun c'est quoi le problème? Il se poserait pas ba congolais toujours premier leadership. Bon, tosa le front commun nani c'est quoi kozala porte-parole na biso. Oh, mutuna ba prétention na yena ba ambition na yena. Ba yeko se mettre d'accord balobi non, tozwa doyen d'âge. Mutu a l'équipe son son mbula. Ndebe ko zwa papa Bolikango. Papa Bolikango a comme porte-parole ya ba congolais na cadre front commun. D'ailleurs, une autre parenthèse assez rapidement, front commun wana pona ko préparer ba réunion bokuta na Mindele. Ba bande ko kuta na ailleurs na hôtel moko boye baza ko sala ba réunion préparatoire. Chaque association, chaque parti politique etinda ka ba délégué na ba idée na ye. Ba discuter, ba harmoniser nde ko ma position en front commun. Réunion moko siko mokolo moko ezoko salama mutabete linga lisolo eza papa Cléophas Kamitatu kola pese kimi aseko papa Cléophas Kamitatu aibi singa mokolo moko azoko présider réunion en afro commun pona ko préparer plénière abina kati ya réunion tovani boye natali porte fungwami ilenge moko akoti bien habillé mobali kitoko alati bien akoti aye abeti Victor nenda kana lipeka moni ba sololi muke abendi kiti avant ngana tunie ndeko yonani alobinga na za délégué à MNC Lumumba Lumumba mutatini ngana ko représenter parti na biso na kati ya réunion on kasabu nani kamitatu tunie me yo otanga kawa na poto abiwi na za stagiaire wa na za stagiaire na poto wa kamitatu abise non je suis désolé règlement intérieur na biso front commun et pekisi ba étudiant congolais nyonso au batanga kana poto ba ko participer na ba réunion na biso eza ba réunion stratégique en fait ba bandeko banga ke ba étudiant mingo ba vanda kana poto ba koma ki ba agent ya sécurité belge ya sûreté belge ba ko infiltrer ba réunion na bango po ba yoka déjà ba aider na bango à l'avance abi règlement intérieur et puis qui ça vraiment ba congolais nyonso ba tanga kana poto ba ko participer na ba réunion na biso donc na ko senga na obimbo garçon ngo vandi abi na so bisa yo il faut bima soko bimite na soko ta réunion ti Victor Nindaka Baluki Epsi Muninga na Joseph, je suis désolé, il faut bim. Mutonga telemi comme on a Joseph Mobutu, mbala liboso Cléophas Kamitatu, amona Joseph Mobutu, ezaka na réunion wana abimisaka na kati ya réunion. Bon, wana tuko continuer mukolo mususu. Donc front commun wana bako préparer ba réunion na bango, siko ba ekokota na kati ya plénière. Na plénière na basengi date indépendance. Papa Bolikango a avancé date. Je crois que c'était mois avril. Alors, non, biso to sengi indépendance c'est ça la manamo avril 1960. Oh, babel je rabidi. Oui, bi ba préparatif il faut que ça la pona au pays indépendance. Il faut qu'organiser l'élection, bozana ba député, bozana ba sénateur et c'est toute une organisation. Eza iloko moko ya lise kite kosenga biso musala mingi. Donc vraiment en avril mwaete ba mindele na kanisi ba proposer ba sali contre proposition na kanisi ba pesa ki mwa ya octobre 1960. Ti Cléophas Kamitatu avanda ki pembeni omoni ye muta prepara ki ba réunion préparatoire. Avanda ki pembeni ya président ya Francomé Bolikango a soufflé papa Bolikango na litoyi alobi yebisa bango 30 juin 1960 nde biso indépendance de toko zo mokolwana. Bolikango pe azwi micro alobi voilà po na biso ba congolais to proposé bino avril boboy bo proposé so octobre to moni ngweza mutsika voilà biso to proposé le 30 juin 1960 to biso zo indépendance et kamu si pe batu na ba mindele na ba to mwindu ba beti maboko donc tout le monde était d'accord après réunion ba ko tuna kamita to mais date wana po na nini le 30 juin po na nini le 25 te po na nini le 2 te le 30 po na nini Kamitatu akwa ko expliquer yango na ko yebisa oke Kongo yo ezana bato ya bwanya bato amayele bazalaka pe ba misusu bazali ata leloyo bazana na mulili Kamitatu a pesi explication na ebandele emission na explika kike tangu eta independant ebandi na Kongo na vivi ebandaka le 1er juillet 1885 donc pendant toute la colonisation le 1er juillet ezalaka mukolomoko ya fête na Kongo ezaki neti mukolo fête nationale le 1er juillet ezalaka fête Kamita to réfléchir boy. Puisque to perdaka liberté na biso le 1er juillet 1885 ndemu kolo colonisation bandaki. Sikoyo biso to zolinga to zonga na situation to zalaki nango ya liberté avant ba mindele baya. La veille ya domination ya le 1er juillet zalaki le 30 juin. Donc il faut to zonga na situation yo to zalaka nango avant bango wa proclamer état indépendant nango. Donc la veille wana zalaki le 30 juin. Donc date wana zali par hasard, c'est vraiment beaucoup de signification. Le 30 juin to retrouver liberté au to perdaka na 1885 to perdaka nango le 1er juillet. Voilà explication, il y a date wana le 30 juin 1960 au to zwa indépendance. Donc au to fetaka lelo indépendance na biso signification ya date wana. Et puis sikoyo bavandi wana na ebisa kiyo ba kongole ba salaka geste mibale na sepela kana ngo ya kitoko penza ya liboso na ebiso ba créer front commun ya mibale ba eko décider que ba discussion biso to ko continuer ngote soki Lumumba zali liberté Lumumba wana azalite azali wapi Lumumba seke na tango masoro nyoso na zo salama Lumumba zate Lumumba za wapi tango asili si meeting na ye Awa na Kinshasa le 28 décembre. C'est là qui succès. C'est là qui succès. Et bon, t'as qui suit pas à Bakongo. Voilà. A continuer ce qu'on a loupé Mbawana. A l'objet, il faut frapper Bango Pena Kisangani. A qui est-ce qu'on a le même meeting na Kisangani? Na Kisangani, on a Bako Elie. Bakangi, Batilumumba na Kacho na Kisangani. Donc, si on a délégué tant que Baye, réunion à table ronde, Lumumba est en prison na Kisangani. Ba Congolais, Nyonso, Naba Obalinga Kai, Naba Tuya Bako, Naba Nani, Balobi, non. Biso. Avant de continuer ma solo oyo Lumumba fait à la libérer peut à rejoindre biso a réunion et katani ba mindele bazala qui obligé avion spécial et outil Belgique tina Kisangani ba bimisi Lumumba na prison ba tiena kati avion Lumumba landi bango na Bruxelles donc tango ba discuter makambo ya date indépendance Lumumba zala quitter Lumumba ayeko retrouver bango après ayeko continuer le solo après donc ça geste wana solidarité wana et c'est pensa nga mingi kolaki sa congolais à un moment pour intérêt en boka Tout se dépasser, tous à la bise sont solidaires. Donc voilà comment tout est causé indépendance, ba élection est causée, ma élection législative, MNC à Lumumba est gagné, basu ba député Mingi. Aye ko sala coalition ya ba nationaliste parce qu'il faut yeba ngonga pe comme na suka to ko kata ce que na biso tendance ezala ki mibale avant indépendance avant tous indépendance ba congolais bazat divisé na deux camps quand moko e lobby boy Puisque ba mindele oyo tango avant ba ya ba kutaka kongote Kongo ezalaka te ba mindele ba ina makasi ba tie biso ensemble loko la lelo bazoko kende to panzana tina kotika la lesusu ensemble ezalite o ba benga ngoneti ba autonomiste ou bien séparatiste na kurano okutana ni une frange parti ya bako na une parti ya konakati ya Moïse Tshombe bako senga Tshombe kutaloba ki abakisa ke loko moko le seul point commun ona zana ngona ba Lumumba na ba tumususu ne zaka kulera loposo to kokaina biso te boke seneza makasi tendance mususu wa lobi boy non ya solo Congo ezala kate avant ba mindele baya mais puisque ba mindele baye ba nyoko li biso pana 80 ans konyoko la wana esali biso to komi moto moko Zwa lelo, ça c'est l'exemple que Lumumba donné. Zwa mukongo ya Kinshasa, na mukongo ya Brazza, boke se nezali. Zwa mukongo ya Kinshasa, na mukongo ya Angola, boke se nezali. Basali sous mutumo kote. Donc toza ba Congolais, toza la mboka na biso tutika la nation moko. Yango ba benga ba nationaliste. Ba toa lo baki, ba bikolo wana nyoso tutika la population e kope sa tendance ya Lumumba raison. Ba nationaliste, ba eko gagne ba élection. Lumumba abimi premier ministre, vice premier ministre allié naye azala ki PSA parti solidaire africain, y a Antoine Gizenga, Gizenga comme vice premier ministre, ville ya Leopoldville, non, Leopoldville banda ko bengango à l'époque wana ko benga province ya Leopoldville, po boye bakatango ba mindele bakeyi batika ki province Motoba 6, ezala ki Leopoldville, Leopoldville ezala ki nini, ezala ki Kinshasa, ba Congo na Kwilu Kwango, une partie, une grande partie ya Bakongo, ya Bandundu. Nde wana zaki banda kubenga province ya Leopoldville, gouverneur ya Liboso ya Leopoldville, kombo na ye Cléophas Kamitatu, akoti na konti ya PSA, oya ya Gizenga. Donc, gouvernement Salami, et comme ici ko problème ya koluka, premier ministre, et non, président de la République. Président de la République, ba tractation eko salama, mutu normalement azaki na ambition. Ako ma président de la République, ezalaki Bolikango. Parce que Bolikango alubi, nazaki leader nabino kuna, touti ko bunda makamo indépendance, bo tianga kaka. Tango ba ye, awa na ba discussion, ba considération politique eko kota. Ba expliquer Lumumba, boko yiko konza mboka te Kinshasa, ba kongo ba zebele, bozo ape abako, bo tika bango pembeni. Donc il faut payer Abakou à côté na kata jeu. C'est comme ça que Lumumba va donner mot d'ordre na ba député na ye na ba PSA ba Gizenga oyo bo voter Joseph Kasavubu parce qu'à l'époque le président Zaïre qui votait na parlement ne ba député à MNC ba député à PSA Abakou zaka ba député muke koreo permettre bango te ba zo président de la République de ba ekonomé ko désigner ko voter Joseph Kasavubu président de la République. Ndewana sikoyo le 30 juin, roi de Belge paye avec le 29 aye le 30 basali cérémonie munene nakati ya palais de la nation oyo oyo kakake Kasavubu basali discours naye roi Baudouin basali discours naye Lumumba ayeko sala pe discours naye ou a rappeler makamunyoso ya mabe oyo Belgique sala nakati ya mboka oyo epesa ki incident diplomatique roi Belge sepela ki nangote ba oblige ki Lumumba na dîner ya pokwa wana aya ko sala discours mususu pona ko senga bolimbi c'est pas ba roi de Belge mais déjà ba relation bandaki na ndenge ya mabe ba mindele ba tia ki elembo. Donc le 30 juin tozu indépendance na biso voilà na kanisi to komi na souk émission na biso to linga ki to expliquer dans quelles conditions mboka oyo tozu ki indépendance na beaucoup sena kolobake ba congolais ba bundaki ba misu ba kufaki pona tozu indépendance oyo ba congolais lisusu pelelo bazali ko bunda pe ba misu bazali kokufa pona to garder indépendance oyo ba papa na bakoko na biso batikela ki biso na kanisa ezali devoir ya Congolais nyonso pona ko protéger indépendance ya mboka oyo yese kitoko mingi onde kotomalo waka losenjola malakisi penda kitoko opesi biso kasi mo motuna moko yelenga na makanisi likanisi ndeko Van Bilsen azwa ki pona ko pesa lipanda na 1985 na Congo démocratique na ndenge pesa maki na 1960 lokola moyi politique ya madame opende ngake zara oyo wapi non ngana moni c'est vrai que élite ya ba congolais bazala ki préparé té pona ko assumer ba charge oyo yango expliquer ki mobulu tozala ki nango mais na kanisi que pona ngai le fait to zo liberté na biso na 1960 c'était une bonne chose na lingai ko ni mateke boumbo e continuer les sous ti na 1985 parce que zala ki presque boumbo makambo e bande koloba koleka peto yeba en fait, moi, ma mbongwana, en termes d'éducation, en termes, oui, au moins, il y a eu 1950, 50-60. Ata kotonga. Il y a eu un peu de temps. Pour que le Congo ait un peu de temps, il y a pour que Belge, le Congo ait un peu de temps, il y a eu un peu de Bandalungwa, il y a eu un logement, ba kotia ba courant na ba balabala ba prince ezan na bandalungwana ba commune ya matete et tongami rapidement dans des années juste après la guerre donc ba congolais peso ki tozana volonté ya kotonga mboko et ko zabiso ngonga mingi te pona kozonga sikona motuna na yo non moi je suis na na avis oyo ke indépendance tozwa ki yango na moment il fallait tozwa problème siko ezali est-ce que to gera ki indépendance malamu wana komi débat mususu tokola ki siko ke responsabilité ya biso ba congolais a mingi na ndenge lelo tozana kati ya libulu ya bapa ya pe ezali mais na kanisi responsabilité na biso mo ba congolais ezali pona to si to comprendre sikoyo pona Congo et bima na kati ya libulu eza ko senga biso ka kalite mibale kotia bato ba ebi musala competence na esiko esengami na kotia muto ebi musala pe oyazali honnête azali na société mboka et pona biso na Congo souvent okuta biloko na mibale ezate okuta muto ebi musala ayebi penza musala ile kompeta aza muyibi mutu mususu koeba aza honnête ayebi musala te donc il faut sikoto luka ba kongolo ba yebi musala pe baza honnête ba okipe ba fonction e longo bani sama kamba ba sentiment okomona Congo tokotonga ngomala bande ko batali balinga masolo ya politique ya lokota ya Lingala otobengi polele polele tosuki awa na kanisi bolandi penza na bokebi ndimbola ntina le banda ki boni et salamaka boni pote lelo oyo biso banso tokoka ko sepela lipanda tope indépendance ya Congo démocratique mboka na biso mwana mboka Thomas Loaka Losenjola atondoli makambo manso lokola elekaka kino te kokoma na moyi mwalelo totondi botondi pambate bososoli penda date ya le 30 juin e banda ka boni pona nini le 4 janvier mosale sale makate tokanisa kabande ko baiba waki bongo tango bapona ki ndeko kasavu bakanisa kiteke yemo tabimisa ki mobulu wana soke kuyaki na mboke sala hepo pona ende ko tomalo waka non kasavu bu justement na mobulu oyo ebimaki mukolona yangonde ya accelera ki independence ya sala ki wana wana non kasavu sikoyo tango akei mobulu wana tango ebimi akei me gumanda bazoluka ye batie mandat d'amener contre yé bazalu kabaka ngayé kasavu wake ko bombana alati soutien ya babé ake ko batama mais après na kanisi le 8 amona ike yé roi kasavu quand même président ya bako na kati ya mboka na yako iko batama lokola muibité ayaki amibimisi ayeko mipese pe ba autorité bakangaki epe balongolié na fonction ya bourgmestre lilo balina bandeko batali balinga polele polele lisukisi manso to lengre ki po ya bino omokoloma lelo honorable Thomas Loaka Totondi obotondi. Merci mingindeko et puis bonne fête ya le 30 juin na bande konyonso baza kolanda biso. Merci. Tokotombela bino penza e yinga malamu ya lipanda na mabota mabino botika. Independence cha cha tozumiye. Oti kwanza cha cha tubakidi. O table ronde cha cha baganye o. Oni kwanza cha cha Independence.